Tu l'aimes, Sam Léopard, dis. Tu l'aimes, Sam Léopard, hein? Vas-y, je veux t'entendre. Tu l'aimes, Sam Léopard, hein, dis. Répète. Tu l'aimes, Sam Léopard? Ouais, c'est bien. Hein? C'est qui le meilleur, hein? C'est qui le meilleur? Vas-y, vas-y, dis-le. C'est qui le meilleur, hein? C'est Sam Léopard, le meilleur. Ouais, voilà, ouais. C'est Sam Léopard, hein? Tu fais du bien, Sam Léopard. Ouais, ouais, ouais. Hein, dis-le, tu fais du bien. Ouais, c'est bien, ouais. Hein? Il fait du bien, Sam Léopard. Hein? Qu'est-ce qu'on lui dit à Sam Léopard? Hein? Qu'est-ce qu'on lui dit? Vas-y, je veux t'entendre. Qu'est-ce qu'on lui dit à Sam Léopard? Hein? On lui dit merci, Sam Léopard. Voilà, ouais. Merci. Allez, encore une fois. Hein? Merci, Sam Léopard. Voilà, ouais, bordel. Oh.